Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Akhadna fi dars sabiq al-asl al-thalith. Fama huwa hada al-asl? Ta'atu wali al-amr. Na'am. Ta'atu ولي الأمر أو تقول طاعة الحكام. Donc le troisième fondement de ces six fondements qu'il a cité Cheikh al-Islam rahimahullah, obéir au gouverneur. Biqaid, il y en a qui a une précision à faire. عندك نعم في غير معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc cette obéissance elle est في طاعة الله. أما في المعصية فماذا؟ فلا سمع ولا الطاعة. نعم. Donc في المعصية on obéit pas. Est-ce que ça implique al-khuruj? Est-ce que ça implique de se rebeller, de se révolter? Là. Ça implique la patience. Naam. T'as un dalil sur cela? Min ra'a shay'an, min ra'a min amrihi shay'an. Min amirihi. Min amirihi shay'an. Falyasbir. Falyasbir. Man ra'a min amirihi shay'an falyasbir. Ay min al-mukhalafa. فليصبر. ففي هذا الحال on obéit pas لكن on patiente. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بوح. Donc al-ma'siyah, ou al-fisq, ou al-zulm, tout ça, ça n'implique pas al-khuruj alayh. Illa an taraw kufran bawah. Sauf si on voit un kufr wadih jali. Et hatta hada, on a déjà expliqué plusieurs fois, al-ulama, il cite des shurouts. Amma si ça emmène un mal plus grand, et si celui qui remplace ce amir, il est pareil ou pire, et si ça implique une tuerie entre muslimines, ben c'est haram. لأن en tant que musulman on doit regarder maqasid hadith al-sharia et min maqasid al-sharia c'est hifd al-amwal wal-dima wal-a'rad. Amma se révolter et on empire la situation même si c'est un kafir qui gouverne, ça fait hada al-hal on patiente et on applique la règle akhaf al-dararin, le mal le moins pire, et on patiente à la hada al-hal hatta ya'ti Allah subhanahu wa ta'ala bil-faraj. C'est ça la solution. Et on a cité un ulama, un rahimallahu al-amwat minhum wa hafidha al-ahya. Ils ont beaucoup conseillé sur ce point et ils ont écrit des ouvrages. Et parmi les ouvrages les plus simples et les plus bénéfiques, on a cité Kitab Man wa Unwan al-Kitab. Naam, ahsan, Kitab معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه. كان كتاب نفيس نافع. فهذا ما يتعلق بهذا الأصل. كذلك الشيخ ابن عثيمين il a cité أن il a cité les preuves qui montrent l'authenticité de ce fondement. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Et le hadith qu'on vient de citer et d'autres. كذلك il a cité أن من حيث ال التجربة أي l'expérience, التاريخ, l'actualité, ça nous montre que الخروج ما في خير. الخروج على الحاكم المسلم il n'y a aucun خير. بل c'est des fitan et de la division et le char il augmente. فلهذا toutes ces révolutions qui ont eu lieu, il n'y a eu aucun خير pour المسلمين. حتى العام الآن ربما il ne connaissait pas ce fondement, il ne connaissait pas les textes. Lakin avec ce qu'il a vécu, كثير منهم, كثير من العوام, avec leur manque de ilm, ils ont compris l'imad ali anahum, ils ont vécu la chose. Fanahnu, on se soumet au texte. On a vécu ou on n'a pas vécu. Anna al-Qur'an haqq, wa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam haqq. Et on a démontré, wallillahi alhamd, avec kalam ahl al-ilm, avec les versets du Qur'an et les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna al-khuruj ala al-hakim al-muslim, c'est une fitna wa ma fi khayr. Waliyaw, naqra, insha'Allah ta'ala, al-asd al-rabi'. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الرابع كاتخيام فوندمون بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم c'est un أصل عظيم لأن notre الدين il est fondé sur العلم que ça soit التوحيد le premier fondement qu'on a vu ou l'ijtima', le deuxième fondement qu'on a vu, se rassembler sur le haq, ou ta'at, wulat al-umur, obéir au gouverneur, tout ça c'est fondé sur l'ilm. Enfin, tu dois connaître c'est quoi l'ilm. Kadhalik, tu dois connaître c'est qui l'ulama. Lianna hada ad-din, il est fondé sur l'ilm. Et l'ilm, comme on va voir, c'est ma ja'a fil kitab, wa fi as-sunnati as-sahiha. Comme ils l'ont compris, salaf al-umma, c'est ça l'ilm. Ou l'ulama, c'est ceux qui appliquent ce ilm, qui propagent ce ilm, qui étudient ce ilm, qui défendent ce ilm. Donc nous, ce quatrième fondement, Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, il te démontre c'est qui l'ilm et c'est quoi l'ilm et c'est qui l'ulama. C'est quoi le fiqh et c'est qui le fuqaha. Limadha li anna, ba'd al-nas, ils ont mélangé. Ils pensent que des choses, ça fait partie du ilm, mais c'est pas mis dans l'ilm, fichier. Et ils pensent que certaines personnes, c'est des ulama, et c'est pas des ulama. Ben, il combat l'ilm. Comment ça va être un savant et il combat l'ilm. فَلِهَذَا قَالُ وَبَيَّنْ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ Ça fait du mal. Quand une personne ou un groupe de personnes, ils font apparaître une chose, et Bardanas, ils pensent qu'ils maîtrisent cette chose, et ils s'égarent. Ils s'égarent. لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ Ils sont pas, ils n'ont pas les capacités pour comprendre ce ilm, pour propager ce ilm. Ils n'ont pas fait les efforts pour. فلهذا شيخ الإسلام الآن يتمطر سيكو العلم سيكي العلماء et fais attention à ceux qui prétendent propager l'ilm et être des savants et c'est pas des savants c'est une porte de fitna قال رحمه الله وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وقال إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد كما قال الشيخ دي بروف كلير حتى العام البليد البليد c'est le contraire de ذكي ربما il a pas une intelligence une intelligence comme d'autres. C'est un ami, il ne connaît pas grand-chose. Mais à hada, les textes ils sont tellement clairs que hatta ce ami, il comprendra que al-ilm c'est mieux que al-jahl. La science c'est mieux que l'ignorance. Al-alim, il a un rang plus élevé que le jahil. Ça c'est ma'rouf, عند الجميع. Lakin le problème qu'on a l'an, anna ba'd al-nas ils aiment l'ilm, lakin ils ne savent pas c'est quoi vraiment l'ilm. Et بعض الناس ils aiment l'ulama, lakin ils savent pas c'est qui l'ulama. Ça provoque du char et de la division. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. Et il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. أن tout s'est mélangé dans ce bab. عند كثير من الناس. L'ilm c'est devenu le bid'a wal khurafat. Ils appellent ça ilm. فبعضهم مثلا il fait certaines adorations ou il appelle à faire certaines adorations en se basant sur un rêve et pour lui c'est du ilm alors que c'est pas du ilm l'ilm c'est قال الله قال الرسول ce rêve فربما c'est un rêve qui est basé sur quelque chose de véridique qui appelle au khayr ربما c'est un rêve c'est du shar c'est le shaitan qui veut égarer cette personne donc on n'a pas à se baser sur un rêve بعض الناس يpense que cette chose elle est bien. لماذا؟ لأن beaucoup de personnes elles font cette chose. C'est pas du ilm هذا. بعض الناس يpense que cette chose elle est bien. Pourquoi? Parce que leurs parents ils font cette chose. Ils pensent que c'est min al-ilm. C'est pour ça que si tu lui demandes, il se base sur quoi? C'est quoi son argument pour faire cette chose? Il dira, mes parents ils font. Ou dans mon pays ils font. Tout ça c'est pas min al-ilm fichey. Pourquoi les annahum? On est arrivé à une époque أن العلم اللي كومباتو جدا العلماء اللي sont كومباتو جدا et الناس ils ont délaissé les sources et ils reviennent à des choses qu'ils appellent العلم et في الحقيقة c'est pas من العلم في شيء. قال رحمه الله وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. Ça c'est خيار ما عندهم أنهم ils font apparaître الباطل sous une apparence de حق. أما بعضهم ils appellent clairement au char et combattent le haq بكل وضوح. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. Et on est arrivé à cette époque, نحن بل أكثر شيخ الإسلام رحمة الله عليه déjà il décrit cette situation et في زمننا أكثر. Et celui qui appelle au ilm, celui qui appelle à l'ittiba', suivant Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle au tawhid, celui qui appelle au haq, probablement il est qualifié de zindir, de majnoun, d'innovateur, de mutashaddid, de radicaliste, d'extrémiste. Limadha li'annahum yakumbat al-ilm. Wa'lam anna hadha c'est voulu, surtout min al-kuffar, wa man ta'athara bil-kuffar, annahu c'est voulu de combattre l'ilm. Comme ils ont combattu le rasoul à son époque, الكفار اليوم يكومباتوا أتباع الرسول. Et le meilleur moyen qu'ils utilisent, et pour eux, le plus efficace pour eux, c'est de combattre العلم والعلماء. قال وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Et celui qui combat ce علم, celui qui combat أهل العلم, il combat أهل السنة. C'est devenu al-faqih al-alim. Alors, si tu analyses la popularité des du'as, des mashayikh dans la communauté, tu verras que ahl al-bid'a wa al-dalal, bel ba'd al-zanadiqa, ils sont très appréciés min al-awam, la masse des gens. Et alim min ulama al-sunnah, probablement ils ne le connaissent pas. Et s'ils le connaissent, ils ont des préjugés et kathir minhum ils l'accusent, bi ghayri haqq. Et tu trouves زنديق مجرم بعضهم يعظم il apprécie et il propage من الرافضة. لماذا؟ لأنه il a plus ses bases, il sait plus c'est quoi العلم, il sait plus c'est qui العلماء. للأسف هذا أصل عظيم بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. Ça te montre l'importance de connaître الحق وأهل الحق et l'importance de connaître al-batil wa ahl al-batil. C'est un fondement de notre dîn. Tu dois connaître al-haq, al-tawhid wa sunnah, et tout ce qui est cité fi al-tawhid wa sunnah min khayr est appliqué comme tu peux. Et kadalik, tu dois connaître al-shar, al-shirk wa al-kufr wa al-bid'a wa al-ma'asi et la akhire, et tu fais attention et tu mets en garde contre ahad al-shar. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قوله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء المراد بالعلم هنا العلم الشرعي bien sûr. العلم هنا c'est العلم الشرعي لأن العلم on peut le diviser en deux catégories علم شرعي et tout ce qui est lié avec notre الدين علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم et علم دنيوي علم par rapport à الدنيا. Ça peut être un ilm bénéfique s'il n'y a pas de ma'asi et la umma en profite, et ça peut être un ilm qui fait du mal si c'est fondé sur le ma'asi ou ça appelle à certaines mukhalafat. Al-muhim, huna c'est l'ilm al-shar'i. Qala al-ilm al-shar'i wa huwa ilm ma anzal Allahu ala rasulihi min al-bayyinat wal-huda. Donc al-Qur'an wa sunnah, c'est ça l'ilm. Qala Allah, qala al-rasul wa qala al-sahaba bien sûr. والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع على أو علم نعم علم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. الحكمة أي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Celui qui sait et celui qui ne sait pas, l'ignorant et le savant, ils sont pas pareils. Allah subhanahu wa ta'ala, il a faddal wa rafa'a ahl al-ilm. Pourquoi? Les annahum, ils ont pris de leur temps, ils ont fait des sacrifices et ils patientent ala hada al-ilm. Donc tu peux pas le mettre au même niveau qu'une personne qui fait aucun effort, qui donne pas d'importance à ce ilm, qui appelle pas à ce ilm. Tu peux pas les mettre au même niveau. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Et ça te montre فضل هذا العلم. أن الله عز وجل s'il veut du bien à un de ses serviteurs, il lui facilite هذا العلم. يفقهه في الدين. الفقه c'est le fahm, c'est العلم. C'est plus large que le fiqh qu'on emploie pour désigner علم العبادات الصلاة الصيام etc. كتب الفقه. لا هنا الفقه في الدين c'est comprendre ce din, c'est العلم. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, il lui fait apprendre ce din, il lui facilite pour apprendre ce din. ومفهوم الحديث أن si une personne elle donne pas d'importance à ce ilm et elle fait aucun effort dans ce ilm, فالله subhanahu wa ta'ala il lui veut pas de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah, il est injuste envers personne. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حظ وافر quelque chose de عظيم. Celui qui prend ce ilm, ce ilm c'est l'héritage des prophètes عليهم الصلاة والسلام. Donc fais des efforts pour profiter de cet héritage. C'est pas de l'argent, c'est pas quelque chose de dunya. C'est quelque chose qui te servira fi ad-dunya wal akhirah. Qala wa min al-ma'lum anna alladhi warathahu al-anbiya innama huwa 'ilmu ash-shari'ah. Hada sawadih. Wa ma'a hadha fa nahnu la nunkir an yakun lil-'ulum al-ukhra fa'ida. Bien sûr, ça veut pas dire que les autres 'ulum min 'ulum ad-dunya ya aucune faïda, il n'y a aucun profit, il n'y a aucun bien. Là, il y a des ulum, ce n'est pas des ulum de din, mais il y a un khir pour l'umma, il y a un khir pour celui qui fait des efforts fi hada. Walakinaha fa'idatu dhati haddain. Aïe, il peut avoir une faïda, mais il peut avoir un mal. Ce n'est pas forcément une faïda, ça dépend. Ça dépend de ce ilm, mais ça dépend de la personne. أما علم الشريعة فسيد الخير dans tous les cas tant que l'insan il est mukhlis inshallah il profitera, il fasse beaucoup d'efforts ou il fait moins d'efforts que d'autres inshallah il sera à la khair. أما علم الدنيا ça dépend. قال إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة. Si c'est un profit pour al-muslimoun et كذلك on utilise ce ilm pour propager din, كذلك cette personne qui s'efforce à faire des efforts dans ce ilm, il fait pas de sacrifices sur son din, il se rabaisse ou il délaisse son din, tout ça c'est un mal pour lui même si il apprend ce ilm. قال وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحه وقد ذكر بعض اهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية وهذا محل نظر ونزاع. Est-ce que c'est une obligation على الكفاية؟ أي c'est obligatoire pour certains musulmans d'étudier la médecine, d'étudier tout ce qui est lié aux communications, moyens de transport. Est-ce que la umma a besoin؟ فنعم c'est quelque chose de مهم. Est-ce que c'est obligatoire pour le كفاية؟ قال شيخ ابن عثيمين il y a un نزاع, il y a une divergence بين أهل العلم et نحن on ne détaillera pas à hada. L'essentiel, c'est de savoir que c'est important. Lakin, ilm al-sharia, c'est a'zam et c'est afdal. Et c'est incomparable. Qala Shaykh ibn Uthaymeen, wa ala kulli hal, fal ilm الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبه هو فقه كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc tous les textes qu'on a fait le Coran ou fait le Sunna qui montrent l'importance de l'ilm, les bienfaits du ilm, les bienfaits de l'ulama, c'est ulama ou sharia, c'est l'ilm al-shar'i, c'est pas l'ilm al-dunyawi. L'ilm al-dunyawi c'est quelque chose de dunya et on regarde est-ce que ça contredit le din amla. Si ça contredit notre din, ou il y a des mukhalafat, ou ça appelle à un shar, c'est haram. Si ça contredit pas notre din, belle, on peut utiliser cette chose pour propager notre din, ou c'est quelque chose de mubah, il n'y a aucun interdit. Enfin, c'est comme toutes les autres choses de dunya. Il ne faut pas que ça te fasse du mal à ton din. Enfin, ba'duhum, ils font des études. Il y a de la mixité. Il ne fait pas salat. Il est en contact avec des personnes qui lui font beaucoup de mal. Belles, certaines sciences qu'ils apprennent, ça leur fait du mal, la philosophie et autres. Tout ça, c'est haram. Il n'y a aucun doute. Lakin, si c'est une chose, elle n'est pas haram en elle-même. Et elle n'appelle pas un haram. Inch'Allah, ça fait partie des choses mubaha. Et si ça profite à l'islam ou aux musulmans, inch'Allah, s'il a une bonne nuit, il est ma'djou. Lakin, a'azam min dhalik, c'est l'ilm al-shar'i. Al-haqiqa, on vient à une époque, nous, on a beaucoup de personnes qui font des efforts fi ilm al-dunya. On n'a pas de manque fi hada. On a des manques dans certains domaines, dans certaines choses. Lakin, c'est pas parce que les gens, ils sont pas nombreux là, c'est d'autres causes. أما لمن كنا الآن في العلم الشرعي العلماء الآن ils sont pas nombreux. الخير موجود لكن par rapport à la population, par rapport à toutes les bid'a qui sont propagées, tout الشر, normalement on devrait faire des efforts أكثر وأكثر. Donc نحن إن شاء الله celui qui veut الخير خير الدنيا والآخرة il se concentre à faire des efforts في هذا العلم. قال وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر كما قلنا. Si ça c'est un ilm qui va aider à propager le bien, inshallah ça sera du bien. Si c'est un ilm qui est fondé sur le mal ou pour propager du mal, c'est du mal. وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت ولغو. Non, mais s'il n'y a aucun profit, il y a aucun, ça ne t'apporte rien, c'est une perte de temps. Et le musulman, il profite de son temps. Ni'matan, marbounun fihima kathirun minan nas, as-siha wal farah. Deux ni'mah kathir minan nas, ils sont perdants et ils se font du mal. As-siha, la bonne santé, al-farah, le temps libre. Hadith ibn Abbas, fi sahih. Donc, nahnu, notre temps, on ne le perd pas dans des choses futiles. Il y a beaucoup de choses à notre époque, ils appellent cela ilm ou des études, et c'est du daya awadih. On ne perd pas notre temps. Al-umr il est qasir. Al-umr il est qasir. Fais des efforts dans les choses qui te sont utiles. Et les choses qui te seront le plus utiles, fi dunya wal akhra, c'est هذا العلم الشرعي. علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والعلم له فضائل كثيرة. الآن قال شيخ ابن عثيمين دي العلم أي العلم الشرعي أما للتفصيل علم شرعي ودنيوي إلا سيتي الآن à partir de maintenant il va citer que des choses qui sont liées au علم شرعي أي apprendre le Coran et la Sunna. منها أي parmi ses فضائل parmi ses bienfaits أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا. Et ça c'est une فضيلة عظيمة. Tu veux être élevé في الدنيا والآخرة, fais des efforts في العلم. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève la personne par rapport à ses efforts et sa sincérité fil ilm. قال اما في الاخره فان الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوه الى الله والعمل بما علموا. Et ça c'est important. ان هذا العلم, on est obligé de faire des efforts fil ilm et ce que ce ilm il implique, العمل. اما العلم sans عمل ففي الحقيقه c'est pas du ilm. Haqiqa, c'est une hujja ala sahibih. Yom Qiyamah, ça sera contre celui qui a eu ce ilm. Le but de ce ilm, c'est de l'appliquer. Fa'alam, annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik. Donc, al-ilm, avant le qawl wa l'amal, comme a qala al-imam al-Bukhari, wa ghayruhu min al-a'imma. Ce ilm avec l'amal, yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève hada al-alim, ou hada al-talib, qui a fait des efforts fi hada al-ilm. قال وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به. العلماء ils sont pas au même niveau, que ce soit في العلم أو في الفضل. Chacun selon ses efforts, sa sincérité, les sacrifices qu'il a fait. وهكذا في الدنيا. Tu vois que certains savants, Allah il les a élevés plus que d'autres. Lakin, tant que un musulman il fait des efforts في العلم, inshallah il est à la khair. Que ça devienne un grand savant ou que ça soit un talib ilm ou l'imam d'une mosquée ou un da'i ilallah, alhamdulillah, l'essentiel il est à la khair. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Donc deux choses في الآية, العلم والإيمان. Celui qui veut être élevé, t'as deux moyens. T'as l'Iman bien sûr, لأن العلم sans إيمان ça sert à rien. Et avec l'Iman, al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève ce musulman avec ces deux choses. Ilmun wa amal. Ay iman. Wa minha annahu irthu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-irth, ay l'héritage. Kama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna al-anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathu al-ilm. Faman akhadahu akhada bihadhin wafir. تقدم الحديث ومنها أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته لساسين فضيلة عظيمة سعلم سيزفور que tu fais في الدنيا في الحقيقة tu prépares ta situation tu prépares après ta mort لماذا قال فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. Donc العمل il s'arrête, et les œuvres de la personne elles s'arrêtent avec sa mort. لأن الدنيا c'est دار عمل. Allah nous a créé pour qu'on l'adore dans cette dunya. Et après la mort c'est les comptes, les questions في القبر ثم الحساب, les comptes يوم القيامة. Dans trois cas Al-insan il meurt et ses œuvres elles ne sont pas arrêtées. Bel, il continue à être récompensé comme s'il œuvrait. Et ça c'est un fadl adhim. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité trois cas. Sadaqatun jariya. Il fait une sadaqa et après sa mort il profite. Qu'annahu il a creusé un puits, qu'annahu il a financé un orphelinat, il a construit un masjid et les gens ils profitent. Fahuwa. Tant que les gens y profitent, walillahi alhamd, il est récompensé. Ou ilmun yuntafa bih. Ou un ilm. Les gens y profitent de ce ilm. Imma il a laissé des livres. Imma il a laissé des étudiants. Imma il a laissé des durus. Muhim, da'wa. Les gens y profitent. Enfin, tant que ces gens y profitent, fahuwa, il est récompensé. Et plus les gens y profitent, plus il est récompensé. C'est une fa'ida azim. Ou waladun salih. ولد صالح يدعو له أو un enfant son fils أو sa fille ils font des dua pour lui فإذا il profite après sa mort ومنها et parmi les فضائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أو يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين هما سيأتي معنا الحديث طلب العلم والعمل به والغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام. Deux choses. طلب العلم والعمل به. Et celui qui a de l'argent, et cet argent, il l'a dépensé pour propager l'islam. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل نتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الحديث كما في الحاشية إلى في الصحيحين. Et le premier hadith qu'on avait lu, إذا مات العبد إلى في صحيح مسلم. Donc لا حسد إلا فتنتين. On n'a pas le droit d'être jaloux sauf dans deux cas. Et cette jalousie qui est permise, qui est citée dans ce hadith, bien sûr, t'as pas le droit d'espérer que cette ni'ma soit retirée de ton frère. L'anna hada, c'est un hasad madhmou. Al-hasad, c'est ça. C'est tamanni zawal al-ni'ma anil-ghayr. C'est ça la jalousie qui est interdite. Détester ou espérer que ton frère il a plus cette ni'ma et que toi tu l'aies. هذا لا t'as pas le droit de vouloir le char pour ton frère. أما هنا لا حسد إلا فتنتين. Bien sûr, il espère pas que son frère il a plus cette ni'ma. Lakin il voit son frère avec cette ni'ma et il espère l'avoir كذلك. قال رجل آتاه الله مالا. Un homme, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a razaq de l'argent et il fait du khayr avec cet argent. Fil haqiqa, tu envies cet homme. Si tu aurais l'argent, et c'est ça ton intention, et c'est ça l'explication du hadith, si tu aurais comme lui, et le même argent, ou de l'argent, tu ferais comme lui, au mieux. Hada, c'est, fil haqiqa, c'est tanafus tayyib fil khayr. Deuxième cas, radulun atahu Allahu hikma, ay ilm. فهو يقضي بها ويعلمها. Un homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné du ilm, et toi tu le vois, annahu il fait du khayr. Il écrit des livres, il donne des durus, il a une da'wa, et les gens ils profitent de lui, et toi tu l'envies. Ça ne veut pas dire que tu espères que cette ni'ma lui soit retirée et il n'y a que toi qui profites. Là, هذا c'est un hasad madhmoum, mais c'est min al-kaba'ir. Amma hada, là, tu l'envies, limada li annahu c'est du khayr. Cheikh Ibn Uthaymeen cite ce hadith pour te montrer les bienfaits du ilm. قال ومنها أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه. Et ça c'est parmi les plus grands bienfaits du ilm. هذا العلم نور. C'est ilm, tu le compares à une lumière. Et le jahl c'est mithl al-dhulumat, l'obscurité. L'ignorance tu la compares à l'obscurité. العلم c'est une lumière. Enfin, pour te sortir de cette obscurité, il te faut cette lumière, العلم. حتى تؤدر الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فكم من الناس يفون des adorations et les adorations ne sont pas acceptées même s'ils sont sincères. لماذا؟ لأنهم يزينوا بدع خرافات. Ils ajoutent, ils enlèvent. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une œuvre, une adoration, alors que le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas légiféré, elle n'est pas légiférée, il a fait le Coran ou la Sunna, son œuvre elle est rejetée. S'il est sincère, voilà aussi il est sincère. Mais s'il n'est pas sincère, il a commis des péchés. Mais s'il ne savait pas, il est excusé, mais l'œuvre n'est pas acceptée. La question qu'on se pose, comment faire pour que ton amal soit accepté? Comment savoir si cette chose elle est sunna, elle n'est pas sunna, comment la faire? Illa bil'ilm. C'est pour ça que le juhal, beaucoup de choses qu'ils font, il n'y a aucune source, aucun fondement. Qala. ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 نفسا فسأل رجلا عابدا هل له من توبة. Et ça c'est un dalil طيب pour démontrer l'importance du ilm. رجل النبي صلى الله عليه وسلم nous a raconté le hadith il est sahih أن رجلا il a tué 99 personnes. Et ça c'était les communautés qu'ils étaient avant nous. فَسَأَلَ Il a demandé à un abid, est-ce qu'il peut faire tawbah? Il a fait une jarima azima, dhanbun kabir, tuer 99 personnes. C'est une injustice azima. Donc il a demandé à cette personne, abid, il fait beaucoup d'efforts dans l'ibad, est-ce qu'il peut faire tawbah? فَكَأَنَّ الْعَابِدِ اسْتَعْضَمَ الْأَمْرَ فَقَالَ لَا. هذا العابد il n'a pas de ilm لكن il fait beaucoup d'adoration. كأنه استعظم الأمر كما قال شيخ ابن عثيمين. Pour lui c'était énorme. Comment tu vas faire tauba alors que tu as tué 99 personnes? مع أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ça c'est après la mort. أن الله pardonne tout sauf le shirk. أما quand tu es en vie, فالله pardonne tout حتى الشرك tant que tu fais tauba. لكن هذا العابد il était على الجهل. Et son jahl va lui faire beaucoup de mal. فقال لا. Et il a dit à cet homme qui voulait faire tauba, là, tu peux pas faire tauba. فقتله السائل فأتم به المئة. Donc il l'a tué. Ça a fait 100 personnes, il l'a tué. لماذا لأنه il a pas apprécié, أنه il lui dise je peux pas faire tauba. Bel il a désespéré. Et si tu médites bien sur le hadith, cet homme, qui a fait cette fatwa, ce abid, il a été la cause de sa propre mort. لماذا لأن ce meurtrier il a pensé que c'était trop tard, je peux plus faire tauba, donc il a perdu son sang-froid et il l'a tué. Hakada, celui qui désespère, il fait des choses, rubbama, des choses très graves. Thumma dhahaba ila 'alimin. Thumma, il a fait des recherches et il a trouvé un alim pour lui demander sur son cas. Et ça, c'est important. Surtout dans les affaires importantes, on doit revenir à Ahl al-Ilm. قال فسأله فأخبره أن له توبة لماذا لأنه سعالم ما جاهل يكون الحق أن الله سبحانه وتعالى il accepte le repentir de celui qui demande sincèrement Allah سبحانه وتعالى il pardonne tout tant que cette personne elle est en vie فقال له العالم نعم tu peux faire توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة une fatwa qui est fondée sur l'ilm il n'y a rien qui empêchera que ta tawba soit acceptée. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte bien sûr avec les conditions, la sincérité, etc. Lakin, on ne peut pas dire là, un tel, il a fait telle chose, il ne peut pas faire tawba. Pourquoi ? Un juif, un chrétien, un mushrik, une personne qui combat l'islam, s'il fait tawba, on ne peut pas dire là, il ne fait pas tawba, il a été trop loin. Là. N'importe quel péché, s'il fait tawba, avec les conditions, enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. Et ça montre rahmat Allah azza wa jal. ثم دله على بلد اهله صالحون ليخرج اليه فخرج فاتاه الموت في اثناء الطريق والقصه مشهوره فانظر الفرق بين العالم والجاهل. كذلك il a profité de l'alim. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup de revenir à Ahl al-Ilm. Il a eu sa réponse et en même temps il a profité. Un alim, il lui a dit, tu dois sortir de ce balad, c'est un balad char, tu vas aller dans telle contrée, dans tel pays, il y a des gens salihoun, tu restes avec eux et inshallah, tu vas progresser. Et ça montre, un celui qui fait tawbah, il s'écarte de l'endroit de char. Khasatan, s'il était connu, annahu, il faisait du char ma'ahoum, rubama, s'il reste des anciennes connaissances, des anciens amis, rubama, ça lui fait du mal. Al-ahsan wal-afdal, c'est de se retirer. Qala, والقصة مشهورة فانظر الفرق بين العالم والجاهل. Le mufti, il a profité l'alim, il a conseillé, et celui qui a posé la question, il a profité. Bel, ça a été la cause annahu, il rentre fil jannah. Malgré qu'il a tué 100 personnes. Et si tu médites bien, il n'a pas fait beaucoup d'amal. Alhamdulillah, il a demandé, il avait l'intention de partir, il a voyagé, il est arrivé à la moitié du tariq, ou un peu plus, et ça lui a suffi. لماذا لانه il a fait tawba sincèrement et ta'lamuna anna après tawba Allah il efface tous les péchés et il a recommencé sa vie ala khair fa Allah subhanahu wa ta'ala il a repris son âme et il est ala khair fa al'amalu bil khawatim Allah subhanahu wa ta'ala il nous jugera sur la chose sur laquelle on est mort ou alors une personne il fait du shirk pendant longtemps thumma il fait tawba et il meurt fa inshaallah il meurt ala khair et on a l'exemple de cet homme والعياذ بالله une personne qui fait du khair et à la fin والعياذ بالله il meurt à la char هذا il est mort à la char et celui qui est sincère et Allah subhanahu wa ta'ala il le wafak fa inshallah s'il a fait du khair toute sa vie il mourra à la khair lakin al-hadar min al-riya il y en a بعض الناس ils font du khair en apparence lakin ils ne sont pas convaincus ou ils font ça pour les gens fa rubbama à la fin de sa vie il est éprouvé fa il meurt à la char sallallahu subhanahu wa ta'ala الثبات والعافية. قال شيخ العثيمين إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. Vous avez compris ولله الحمد. Et on a profité de ce hadith أن le fait de revenir à une personne qui n'a pas la capacité في الفتوى même si c'est un abid لأن العبادة ça suffit pas ce abid نعم s'il est sincère et il adore Allah à la sunnah bien sûr il aura besoin d'ilm lakin ala kulli hal si c'est pas un savant il fait du bien à lui amma aux autres là donc la gravité de revenir à des personnes et ils sont pas aptes c'est pas des ulama ils font pas partie de ahl al-ilm ils comprennent pas certaines choses farubama même s'il est ala khair même s'il veut le khair il te fait du mal. قال هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم. Donc nous, on doit faire des efforts pour savoir c'est qui les ulama. Revenir à eux, demander leurs conseils. Et chacun à sa place. العابد مثلا t'as des pères de famille, t'as des awam, c'est des ubad. Il fait des ibadat, il aime le khayr, il accepte le conseil. Il a sa place, on le respecte, on l'aime, fillah, c'est notre frère. Lakin, est-ce qu'on va le mettre au niveau d'un mufti? On a besoin de, d'une réponse à une question religieuse, on lui demande. Là, lui, il sait pas. Lui, il y a Rabb al-Nahu, il arrive à s'en sortir. Il arrive à adorer Allah Azza wa Jalla à la ilm. Chacun a sa place. L'imam de la mosquée, il a sa place. Al-alim, il a sa place. Talib al-ilm, il a sa place. Anna mélanger, et c'est ça, fil haqiqa, ce fondement. Anna mélanger les choses, que ce soit fil ilm ou autre, ça fait beaucoup de mal. Donc chacun a sa place. Tes proches à leur place, tes amis à leur place, l'ulama à leur place, le gouverneur à sa place, et tu verras que tout ira bien. قال حتى إذا ميزها ولا ربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعل الحظر أن بعض الناس en apparence ils ressemblent à un savant, ربما il parle, il est fasih, ربما يحفظ القرآن, c'est un abid, لكن في الحقيقة c'est pas un alim. Il a étudié où? Il est où son ilm? Qui c'est qui l'a recommandé? هذا qu'il faut voir. Kadhalik, il faut voir ses fréquentations. Est-ce qu'il fréquente Ahl al-Ilm ou al-Khayr ou al-Sunnah, ou il fréquente Ahl al-Bid'a ou al-Shar? قال لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كما في القرآن. نعم. Kanna, celui qui est assoiffé et il est dans le désert maintenant et il voit kanahu, il voit de l'eau. Min shiddat al-atash, ça arrive kanahu yatasawwar laha annahu, il y a de l'eau dans un endroit et dès qu'il approche il trouve rien. Hakada, ceux qui reviennent au juhal, anna, t'as l'impression qu'il va faire, qu'il va te dire, qu'il va te donner, haqiqa dès que tu cherches il n'y a rien. Jahlun wa riya, surtout à notre époque là, avec les réseaux sociaux, avec les médias, ils sont devenus populaires. Et indal kathir, pour eux, c'est des savants, c'est des prêcheurs. Ils ont des milliers de suiveurs, des millions. Fil haqiqa juhal. Juhal, et tu trouves l'alim, rubbama, il n'est pas connu, lakin khayruhu, il est azim. Pourquoi les anna, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève. Ne crois pas qu'élever, ça veut dire avoir beaucoup de suiveurs. Là, élever, ça veut dire suivre le haqq. Et celui qui veut le haqq, il reviendra au haqq. Amma, beaucoup de suiveurs, les kuffars, ils sont beaucoup plus nombreux que les musulmans. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont à la haqq? Qala, bal huwa al-bid'a wal-dhalalat alladhi yadhunnuhu ba'd an-nas huwa al-'ilm wal-fiqh wa anna ma siwahu la yatafawwah bihi illa zindiq aw majnun. Hadha ma'na kalam al-mu'allif rahimahullah wa ka'annahu yushir ila a'immati ahli al-bid'a al-mudhillin. Na'am. Ahli al-bid'a دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. Des prêcheurs qui appellent au nar. Ils appellent pas à sunnah. Ils appellent pas au Coran. Ils appellent à ce qu'ils veulent hum. C'est pour ça que leurs fatawa, tu les trouves, ils changent pour rapport à l'endroit, ils changent pour rapport à la personne. Annahu, il veut froisser personne. Annahu, il parle par rapport à l'hawa. Annahu, il parle par rapport à l'argent. Ha'oula, tu les trouves, annahum, il n'y a pas de baraka dans leur da'wa. Mais ils font du mal. Wa sunni, il fait attention à hadha an-nawa. Et on a traité ce sujet plusieurs fois. Il fait attention à ahl al-bid'a wa ad-dalal. Annahu, il prend pas l'ilm indahum. Il étudie pas indahum. Et il les fréquente pas. Les annahum, ils font du mal. Mujalasatuhum mumridatun lil-qulub, comme قال ابن عباس رضي الله عنهما. Et on a cité ce athar plusieurs fois. Et on a, alhamdoulilah, traité ce sujet dans certains cours en détail. كذلك الحذر من المجهولين. لأن الآن tu vas avoir trois catégories. Ulama, du'at, mashayikh, talabat al-ilm, ils sont à la sunna. Et ils propagent le haq. Si tu peux les fréquenter, alhamdoulilah, tu peux étudier chez eux, tayyib, tu profites d'eux, tu leur demandes, tu reviens à eux. Et dans les masa'il al-kabira, tu reviens à ahl al-ilm. Ça, c'est le premier qism. T'as un autre qism, c'est Ahlul Bida'i wa Dhalal. Tu prends rien d'eux, écarte-toi. Le bien qu'ils ont, ou le haq qu'ils ont, tu le trouveras inda Ahl Sunnah avec beaucoup plus de baraka. Donc, t'as pas besoin d'eux. T'as un troisième qism, une troisième catégorie, Mujhul, tu sais pas. Est-ce que c'est un sunni, est-ce que c'est un mubtadi', tu le connais pas. Riyad al-Hal, ne te précipite pas. T'as pas le droit de l'accuser, tu le connais pas. Lakin, fais attention de ne pas de ne pas lui faire confiance dans tout, de vouloir étudier chez lui, de prendre l'ilm. Il y en a kathir min ha'oula, avec des recherches, tu t'apercevras que rupama il est pas à la sunnah. Tu fais attention. Et fait le haqiqa dans le dunya, on applique hada. Il fait dunya, que ce soit médecine ou autre, on applique hada. On essaie de trouver des personnes compétentes. Il y a des personnes, elles sont incompétentes, on va pas chez eux. Il y a des personnes, on connaît pas. Kathir minna, on fait des efforts pour aller vers ceux qu'on connaît. Fait din, on doit avoir, faire beaucoup plus d'efforts. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم ça c'est نهج أهل البدع قديما وحديثا أنهم يمت en garde contre أهل السنة ils les accusent لماذا لأنهم ils sont pas avec eux et ils les suivent pas ils sont à la مبدأ t'es avec moi ou contre moi أما نحن لا on est avec celui qui est avec le kitab ou sunna et contre celui qui combat le kitab ou sunna. C'est ça normalement notre objectif, être sincère et véridique fi hada. Qala li yasuddu an-nas 'an al-akhdh minhum wa hada irth alladhina taghaw min qablihim. Kadhalik tastafid min kalam Shaykh Ibn Uthaymeen anna ahl al-batil qui veulent combattre le din, ils vont attaquer ceux qui propagent ce din, al-ulama. Falhadhar min at-ta'n fi 'alimin min 'ulama as-sunnah. Lanna su'alim, c'est une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé, il propage le din. At-ta'n fi, c'est at-ta'n fi din. S'il est accusé, il est accusé parce qu'il propage le din. Enfin, l'accusé, c'est accuser le din qu'il propage. Et hada, c'est khatir. C'est pour ça que ahl al-kufr wa al-bid'a, qadiman wa hadithan, ils combattent ahl al-ilm, en les accusant. Terroristes, wahhabites, wa ghayr dhalik. Limadha li'annahum, ils veulent pas critiquer directement l'islam. Il y en a kathir min al-nas, ils vont les délaisser, min al-muslimin. Lakin, ils critiquent et ils salissent l'image de Ad-Du'at, hatta les gens ils s'écartent de l'ulama et ils reviennent à Ahl al-Bida'i wa al-Dalal. Et s'ils reviennent à Ahl al-Bida'i wa al-Dalal, les kuffars ils sont tranquilles. C'est ce qu'ils voulaient. Qala, wa hadha irthu alladhina taghaw min qablihim wa kadhabu ar-rusul kama qala ta'ala kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. وقال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. Ça te montre que c'est طريقة الكفار ومن تأثر بالكفار كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. À chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala il leur envoie un rasoul, il la قالوا ساحر أو مجنون, il l'accuse exactement comme aujourd'hui. أنه c'est des ulama sultan, أنه c'est des murji'ah, أنه سيد علماء حيض ونفاس, أنهم يكونس بالواقع, أنهم يتخافل pour tel gouvernement, أنهم des accusations. أما الرد علمي tu trouveras jamais هذا عند أهل البدع أبدا. التواصوا به بل هم قوم طاغون, كأنهم ils se sont conseillés هذا قوم طاغون ظلمة. Ils veulent pas le حق, ils voudraient le حق, ils reviendraient à أهل الحق. C'est un أصل مهم, بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. Et tu connaîtras hada al-ilm en faisant des efforts fil ilm. Et tu connaîtras l'ulama en faisant des efforts fil ilm. Avec ce ilm, tu arriveras bi-idhnillahi azza wa jalla à discerner entre alim sunnah et alim bid'a. Celui qui appelle au haqq et celui qui appelle au batil. Tout ça, bien sûr, avec taqwa Allah azza wa jalla. Naktafi bi-hada. C'est compris ? Wadih. Alhamdulillah. Subhanak Allahumma hamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.